sans avoir appris ma leçon. Je me suis raté à la dictée, j'ai loupé la conjugaison. J'écris bien mieux sur papier libre, je dicte seul ma direction. Je sais où est mon équilibre, je fais les choses à ma façon. Ouah ! J'ai appris à déplaire à mon père, à ma mère, et à n'aimer que mieux mes allures singulières. J'ai oublié quelques devoirs, improvisé des tas d'histoires, j'ai emprunté des corrections, j'ai loupé la récréation. Non, si. Je ne dois rien à personne, je me fie à mon intuition. Si je me loupe, je suis un homme, l'échec stimule la création. Hey. J'ai appris à déplaire à mon père, à ma mère, j'ai embêté mes camarades, j'ai imité les professeurs, j'ai essuyé quelques bravades, je me suis battu pour mon honneur. Je ne m'embête pas à faire semblant, je préserve ma bonne humeur, je déçois les gens très souvent, mais